si elles sont connes. Tu n'auras pas la vérole et ne mange pas de Toblerone. Non, sans déconner, le Toblerone c'est pas cool quoi. Enfin, c'est carré, enfin, je veux dire c'est triangle, c'est une pyramide quoi, les Illuminati et tout ça, c'est vraiment de la merde quoi. Il faut que je me remette aux paroles. Et même si tu ne m'aimes pas, sache que je t'emmerde d'amour, espèce de tafiole. Parole, parole, parole, pas, parole, parole, parole, pas. Parole, parole, parole, pas, pas, pas, pas, pas, pas.